parle au franco. Vu ma folle époque à pleine teint. Je vois pas si tu peux me tenir à l'aise, c'est quoi 100% dans le sang. C'est du carré rouge. De partout c'est la guerre des gangs. Ils brandissent leurs armes jeunes, hargneux, ivres, pleins de haine. Ils se foutent de quoi sera fait demain. Ils ne croient plus en rien, la seule chose qui prime le butin. Comment convaincre un jeune de rester calme quand tu vois ces anciens qui se calment. Les autres qui calment, frappent, on se coupe. Tous en fin de sous, nos vies sans flic. C'est comme un film X sans belle, un western sans flingue. La merde on vit dans, leur demande pas pourquoi on fume, on boit. Demande pas pourquoi chez nous ça vole depuis le plus jeune âge. Braque presse sur les détentes. Tu veux comprendre quoi? Tu veux comprendre qui? C'est celui qui te fait la messe, le curé qui sodomise ton enfant. L'homme devient femme, femme devient homme. L'homme en culotte, j'pense bien qu'on approche de la fin des temps. Ne me dis pas de croire à la justice. Un homme qu'assassine cet enfant qu'on retrouve car t'es 20 piges. Mais j'hallucine, vu le monde et tu comprendras pourquoi j'rime illicite. Crime, âme, vol, ouvre, prends, rime tragique. Ouais, un peu de fric sale, la fric à aux trousses. L'imaginaire prend le dessus, le béton se transforme en drugstore. En plein dans l'illégal, on voit net. Légal par ma flèche, enfoiré sous ma plaque Nes. Qu'est-ce tu fous pour mes galons dans l'ensemble du corps? Pour ma part de l'homme, voyons combien à l'homme. Combien dans le canal, combien ça devient banal comme tous les premiers sur le canal. Combien de bâtards qui poussent à travers, détruit tout pour faire sonner. Ni comme un braqueur à la retraite qui se fait balancer par un de ses coéquipiers devenu fou. Les trop soirs divisent de nouveaux flics anciens partenaires. A juré de faire tomber même son père, personne n'aime perdre constat cela. Sur les zones, ce rapport aussi au rouge, carré rouge pour ceux qui se battent à l'homme. Un veuve à l'homme, camé des ruelles, armé au duel, sale mais cruel. S'agit de l'honneur, on est des hommes, oui, aux mères, faire son propre truc. Dur d'être à l'homme des autres, on fréquente le diable, côtoie le mal, dans somme du con. Pour ma part de l'homme voyant, écoute qu'à moi mes quatre causes, pour ceux qui osent. De la part de l'homme ici rien ne change, faut que je reste net dans ce monde. Le shit est rime et l'OM c'est notre monde. Esquiver les flics au coin de rue c'est notre monde. Les bavures et les larmes, les deuils et les larmes c'est immonde. Mais malgré nous c'est notre monde. Ouais. Démasquer les uns et les autres, le saouler pour mieux contrôler ses faits, gestes, faits, tests. Que le diable l'emporte, sale temps pour un nègre en cavale. Corps si t'as tort, même les saints se font baiser ici. Quel droit juger quelqu'un, sans que les uns et les autres pour mieux apprécier la vie, non? Ma vie à moi reliée aux faits divers, criminel, frappe tiers, ni les thèmes tiers. Crime flière, carré rouge pour les traits tiers. Voyant, pour mon part blanc, pour mon part blanc. De la part de l'ombre ici rien ne change. Faut que je reste net dans ce monde. Le shit est rime et l'OM c'est notre monde. Esquiver les flics au coin de rue c'est notre monde. Les bavures et les larmes, les deuils et les larmes c'est immonde. Mais malgré nous c'est notre monde. On donne un rap bien pervers, auteur interprète, genre barbare. Et ça sans que les flics interviennent. Débarque de but en blanc comme un nègre dans les Alpes. Le carré barbe, la rue parle cause comme internet. Les miens, les tiens, certes. Compris dans une classe sociale du genre restreinte. Où tu m'uniques, je t'esquette. Ça part de la germe jusqu'à son terme. Ferme sur les actes et propos que je cerne. Comme beaucoup, nique le système. Quatre gros systèmes. Le mal te dit, je t'aime. La cause, le bis, l'aime. Vu comme c'est parti, c'est à chacun sa rizière. Que des potes me disent, j'ai monté ma filière à midi hier. Lorsqu'on sort impartial, qu'on consomme le cash comme sponsor. Et mec, en somme, égal loin du plaisir se transforme. Se maintiennent pour rester en forme. Les mauvais sans forme de rage, on s'orne. Mieux chez le chien que chez le porc. Non, que je sache, il n'y a rien que l'on parle pour quand on se morfond. Pourquoi le calibre est pas loué, l'impression de baiser et pas jouir. Au fond, ce qu'on recherche, c'est pas nourrir, pas éblouir. Gange comme je décris le cadre, façon hardcore, naturel comme le mec en bas, sincère que sous alcool. On passe à l'acte, chaque attaque ni l'épreuve. Qui est neutre, signe l'œuvre et rap pour ceux qui ne peuvent. De la part de l'ombre ici rien ne change. Faut que je reste net dans ce monde. Le shit est rime et l'OM c'est notre monde. Esquiver les flics au coin de rue c'est notre monde. Les bavures et les larmes, les deuils et les larmes c'est immonde. Mais malgré nous c'est notre monde.